Chapitre 54e, le pavillon. Rentré tard, couché vide, endormi lourdement, Gilbert avait oublié de placer sur sa lucarne le lambeau de toile à l'aide duquel il interceptait la lumière du soleil levant. Ce soleil, frappant sur ses yeux à 5 heures du matin, le réveilla bientôt. Il se leva, inquiet d'avoir trop dormi. Gilbert, homme des champs, savait à merveille reconnaître l'heure au gisement du soleil et à la couleur plus ou moins chaude de ses rayons. Il courut consulter son horloge. La pâleur de la lumière, éclairant à peine le faîte des hauts arbres, le rassura. Au lieu de s'être levé trop tard, il s'était levé trop tôt. Gilbert fit sa toilette à sa lucarne, songeant aux événements de la veille, et exposa avec délice son front brûlant et alourdi à la brise fraîche du matin. Puis il se souvint qu'André logeait dans une rue voisine, près de l'hôtel d'Armenonville, et il chercha à deviner dans laquelle de toutes ces maisons logeait André. La vue des ombrages qu'il dominait lui rappela une des paroles de la jeune fille qu'il avait entendue la veille. « Y a-t-il des arbres ?» avait demandé André à Philippe. « Que n'avait-elle choisi le pavillon inhabité du jardin ?» se disait Gilbert. Cette réflexion ramena naturellement le jeune homme à s'occuper de ce pavillon. Par une coïncidence étrange avec sa pensée, un bruit et un mouvement inaccoutumés appelait d'ailleurs son regard de ce côté. Une des fenêtres de ce pavillon, fenêtre qui semblait depuis si longtemps condamnée, s'ébranlait sous une main maladroite ou faible. Le bois cédait par en haut, mais attaché sans doute par l'humidité au rebord de la croisée, il résistait en refusant de se développer au dehors. Enfin, une secousse plus violente fit crier le chêne, et les deux battants, brusquement chassés, laissèrent entrevoir une jeune fille, toute rouge encore des efforts qu'elle venait de faire, et secouant ses mains poudreuses. Gilbert jeta un cri d'étonnement et se retira en arrière. Cette jeune fille, toute bouffie encore de sommeil, et qui se détirait au grand air, c'était Mademoiselle Nicole. Il n'y avait pas un doute à conserver. La veille, Philippe avait annoncé à son père et à sa sœur que Labri et Nicole préparaient leur logement. Ce pavillon était donc le logement préparé. Cette maison de la rue Coqueron, où s'étaient engouffrés les voyageurs, avait donc ses jardins contigus au derrière de la rue Plâtrière. Le mouvement de Gilbert avait été si accentué que si Nicole, assez éloignée du reste, n'eût pas été si occupée de cette contemplation oisive qui devient un bonheur au moment du réveil, elle eût vu notre philosophe au moment où il se retirait de sa lucarne. Mais Gilbert s'était retiré d'autant plus rapidement qu'il ne se fût pas rangé d'être découvert par Nicole à la lucarne d'un toit. Peut-être s'il eût habité un premier étage, et si par sa fenêtre ouverte on eût pu apercevoir derrière lui de riches tapisseries et des meubles somptueux, Gilbert eût-il moins craint de se faire voir. Mais la mansarde du 5e le classait encore trop bas dans les infériorités sociales pour qu'il ne mît pas une grande attention à se dérober. D'ailleurs, il y a toujours un grand avantage dans ce monde à voir sans être vu. Puis, si André savait qu'il était là, ne serait-ce pas suffisant ou pour faire déménager André ou pour qu'André ne se promenât point dans le jardin? Hélas, l'orgueil de Gilbert le grandissait encore à ses propres yeux. Qu'importait Gilbert à André? Et en quoi André pouvait-elle remuer un pied pour s'approcher ou pour s'éloigner de Gilbert? N'était-elle pas de cette race de femmes qui sortent du bain devant un laquais ou un paysan, parce qu'un laquais ou un paysan ne sont point des hommes? Mais Nicole, elle, n'était point de cette race-là, et il fallait éviter Nicole. Voilà surtout pourquoi Gilbert s'était retiré si brusquement. Mais Gilbert ne pouvait s'être retiré pour demeurer éloigné de la fenêtre. Il se rapprocha donc doucement et hasarda son œil à l'angle de la lucarne. Une seconde fenêtre, située au rez-de-chaussée, exactement au-dessous de la première, venait de s'ouvrir, et une forme blanche apparaissait à cette fenêtre. C'était André, en peignoir du matin, et occupé à chercher sa mule, qui venait de s'échapper de son petit pied encore tout endormi, et qui s'était égaré sous une chaise. Gilbert avait beau se jurer, chaque fois qu'il voyait André, de se faire un rempart de sa haine, au lieu de se laisser aller à son amour, le même effet était reproduit par la même cause. Il fut obligé de s'appuyer à la muraille. Son cœur battait comme s'il allait se rompre, et ses battements faisaient bouillonner le sang par tout son corps. Cependant, peu à peu, les artères du jeune homme se calmèrent, et il put réfléchir. Il s'agissait, comme nous l'avons dit, de voir sans être vu. Il prit une des robes de Thérèse, l'attacha avec une épingle à une corde qui traversait sa fenêtre dans toute sa largeur, et sous ce rideau improvisé, il pouvait rentrer sans crainte d'en être vu. André imita Nicole. Elle étendit ses beaux bras blancs qui, un instant, par leur extension, disjoignirent le peignoir. Puis elle se pencha sur la rampe de sa fenêtre pour interroger plus à son aise les jardins environnants. Alors son visage exprima une satisfaction marquée. Elle, qui souriait si rarement aux hommes, elle sourit sans arrière-pensée aux choses. De tous côtés, elle était ombragée par de grands arbres. De tous côtés, elle était entourée de verdure. La maison de Gilbert attira les regards d'André comme toutes les autres maisons qui faisaient ceinture au jardin. De la place où était André, on ne pouvait en voir que les mansardes, de même que les mansardes seules aussi pouvaient voir chez André. Elles n'attirent donc point son attention. Que pouvait apporter à la fière jeune fille la race qui demeurait là-haut? André demeura donc convaincu, après son examen, qu'elle était seule, invisible, et que sur les limites de cette tranquille retraite, n'apparaissait aucun visage curieux ou jovial de ces Parisiens moqueurs, si redoutés des femmes de province. Ce résultat fut immédiat. André laissant sa fenêtre toute grande ouverte, pour que l'air matinal pût baigner jusqu'au dernier recoin de sa chambre, alla vers sa cheminée, tira le cordon d'une sonnette, et commença de s'habiller, ou plutôt de se déshabiller, dans la pénombre de la chambre. Nicole arriva, détacha les courroies d'un nécessaire de chagrin qui datait de la reine Anne, prit le peigne d'écaille, et déroula les cheveux d'André. En un moment, les longues tresses et les boucles touffues glissèrent comme un manteau sur les épaules de la jeune fille. Gilbert poussa un soupir étouffé. À peine s'il reconnaissait ces beaux cheveux d'André, que la mode et l'étiquette venaient de couvrir de poudre. Mais il reconnaissait André, André à moitié dévêtu, 100 fois plus belle de sa négligence qu'elle ne l'eût été des plus pompeuses après. Sa bouche crispée n'avait plus de salive, ses doigts brûlaient de fièvre, son œil s'éteignait à force de fixité. Le hasard fit que, tout en se faisant coiffer, André leva la tête et que ses yeux se fixèrent sur la mansarde de Gilbert. « Oui, oui, regarde, regarde !» murmura Gilbert. « Tu auras beau regarder, tu ne verras rien, et moi je vois tout. » Gilbert se trompait. André voyait quelque chose. C'était cette robe flottante, enroulée autour de la tête du jeune homme et qui lui servait de turban. Elle montra du doigt cet étrange objet à Nicole. Nicole interrompit la besogne compliquée qu'elle avait entreprise et, désignant la lucarne avec le peigne, elle parut demander à sa maîtresse si c'était bien là l'objet qu'elle désignait. Cette télégraphie que dévorait Gilbert et dont il jouissait éperdument avait, sans qu'il s'en doutât, un troisième spectateur. Gilbert, tout à coup, sentit une main brusque arracher de son front la robe de Thérèse et tomba foudroyé en apercevant Rousseau. « Que diable faites-vous là, monsieur ? » s'écria le philosophe avec un sourcil froncé et une grimace fâcheuse, et un examen scrutateur de la robe empruntée à sa femme. Gilbert s'efforça de détourner l'attention de Rousseau de la lucarne. « Rien, monsieur, dit-il, absolument rien, rien. Alors pourquoi vous cachez-vous sous cette robe ? Le soleil me blessait. Nous sommes au couchant, et le soleil vous blesse au moment où il se lève. Vous avez les yeux bien délicats, jeune homme. » Gilbert balbutia quelques mots, et sentant qu'il s'enferrait, finit par cacher sa tête dans ses deux mains. « Vous mentez, et vous avez peur, » dit Rousseau, « donc vous faisiez mal. » Et à la suite de cette terrible logique, qui acheva de bouleverser Gilbert, Rousseau vint se cramper carrément devant la fenêtre. Par un sentiment trop naturel pour qu'il ait besoin d'être expliqué, Gilbert, qui tout à l'heure tremblait d'être vu à cette fenêtre, s'il y lança dès que Rousseau y fut. « Ah !» dit celui-ci, d'un ton qui figea le sang dans les veines de Gilbert. « Le pavillon est habité maintenant ?» Gilbert ne souffla point le mot. « Et par des gens ?» continua le philosophe ombrageux. « Par des gens qui connaissent ma maison car ils se la montrent. » Gilbert, qui comprit qu'il s'était trop avancé, fit un mouvement en arrière. Ni le mouvement ni la cause qu'il avait produit n'échappèrent à Rousseau. Il comprit que Gilbert tremblait d'être vu. « Non pas !» dit-il en saisissant le jeune homme par le poignet. « Non pas, mon jeune ami. Il y a là-dessous quelques trames. On désigne votre mansarde. Placez-vous là, s'il vous plaît. » Et il l'emmena en face de la fenêtre, découvert, éclatant. « Oh non, monsieur, non, par grâce !» s'écria Gilbert en se tournant pour échapper. Mais pour échapper, ce qui était facile à un jeune homme fort et agile comme Gilbert, il fallait engager une lutte avec son Dieu. Le respect le retenait. « Vous connaissez ces femmes ? » dit Rousseau. « Et elles vous connaissent ? Non, non, non, monsieur. Alors, si vous ne les connaissez pas, et que vous leur soyez inconnu, pourquoi ne pas vous montrer? Monsieur Rousseau, vous avez eu parfois des secrets dans votre vie, n'est-ce pas? Eh bien, pitié pour un secret. Ah, traître, s'écria Rousseau. Oui, je connais les secrets de cette espèce. Tu es une créature des Grimm, des Holbard. Ils t'ont fait apprendre un rôle pour capter ma bienveillance. Tu t'es introduit chez moi et tu me livres. Triple sot que je suis, stupide amant de la nature, je crois secourir un de mes semblables, et j'amène chez moi un espion. Un espion ? S'écria Gilbert, révolté. Voyons, quel jour me vendras-tu, Judas ? Dit Rousseau, se frappant avec la robe de Thérèse, qu'il avait machinalement gardée à sa main, et se croyant sublime de douleur, quand malheureusement il n'était que risible. Monsieur, vous me calomniez, dit Gilbert. Te calomnier, petit serpent ? S'écria Rousseau, quand je te trouve occupé à correspondre par geste avec mes ennemis, à leur raconter par signe, peut-être, que sais-je, le sujet de mon dernier ouvrage. Monsieur, si j'étais venu chez vous pour trahir le secret de votre travail, j'aurais plutôt fait de copier vos manuscrits qui sont sur votre bureau que de raconter par signe le sujet qu'ils traitent. C'était vrai, et Rousseau sentit si bien qu'il avait dit une de ces énormités qui lui échappaient dans ses monomanies de terreur, qu'il se fâcha. Monsieur, dit-il, j'en suis désespéré pour vous, mais l'expérience m'a rendu sévère. Ma vie s'est écoulée dans les déceptions. J'ai été trahi par tous, renié par tous, livré, vendu, martyrisé par tous. Je suis, vous le savez, un des illustres malheureux que les gouvernements mettent au banc de la société. Dans une pareille situation, il est permis d'être soupçonneux. Or, vous m'êtes suspect, et vous allez sortir de chez moi. Gilbert ne s'attendait pas à cette péroraison. Lui, être chassé. Il ferma ses poings crispés, et un éclair qui fit frissonner Rousseau passa dans ses yeux. Mais cet éclair passa sans durée et s'éteignit sans bruit. Gilbert avait réfléchi qu'en partant, il allait perdre le bonheur si doux de voir André à chaque instant du jour, et cela en perdant l'amitié de Rousseau. C'était à la fois le malheur et la honte. Il tomba du haut de son orgueil sauvage et joignant les deux mains. « Monsieur, dit-il, écoutez-moi, un mot, un seul. Je suis impitoyable, s'écria Rousseau. Les hommes m'ont rendu par leurs injustices plus féroce qu'un tigre. Vous correspondez avec mes ennemis, allez les rejoindre, je ne vous en empêche pas. Liguez-vous avec eux, je ne m'y oppose pas, mais sortez de chez moi. Monsieur, ces deux jeunes filles ne sont pas vos ennemis, c'est Mademoiselle André et Nicole. Qu'est-ce que Mademoiselle André ? Demanda Rousseau, à qui ce nom prononcé déjà deux ou trois fois par Gilbert n'était pas tout à fait étranger. Qu'est-ce que Mademoiselle André ? Dites. Mademoiselle André, monsieur, est la fille du baron de Tavernay. C'est, oh, excusez-moi de vous dire de telles choses, mais c'est vous qui m'y forcez. C'est celle que j'aime plus que vous n'avez aimé Mademoiselle Gallet, Madame de Varins, ni personne. C'est celle que j'ai suivie à pied, sans argent, sans pain, jusqu'à ce que je tombasse sur la route, écrasé de fatigue et brisé de douleur. C'est celle que j'étais revoir hier à Saint-Denis, derrière laquelle j'ai couru jusqu'à la muette, que j'ai de nouveau accompagnée sans qu'elle me vît de la muette à la rue voisine de la vôtre. C'est celle que par hasard, j'ai retrouvé ce matin habitant ce pavillon. C'est celle enfin pour laquelle je voudrais devenir ou Turenne, ou Richelieu, ou Rousseau. Rousseau connaissait le cœur humain et savait le diapason de ses cris. Il savait que le meilleur comédien ne pouvait avoir cet accent trempé de larmes avec lequel Gilbert parlait et ce geste fiévreux avec lequel il accompagnait ses paroles. Ainsi, cette jeune dame, c'est Mademoiselle André ? Oui, monsieur Rousseau. Donc vous la connaissez ? Je suis le fils de sa nourrice. Alors vous mentiez donc tout à l'heure, quand vous disiez que vous ne la connaissiez pas, et si vous n'êtes pas un traître, vous êtes un menteur. Monsieur, dit Gilbert, vous me déchirez le cœur, et en vérité, vous me feriez moins de mal en me tuant à cette place. Bah, phraséologie, style Diderot et Marmontel, vous êtes un menteur, monsieur. Eh bien oui, oui, oui, dit Gilbert, je suis un menteur, monsieur, et tant pis pour vous, si vous ne comprenez pas un pareil mensonge, un menteur. Un menteur ? Ah, je pars, adieu, je pars désespéré, et vous aurez mon désespoir sur la conscience. Rousseau se caressait le menton en regardant ce jeune homme qui avait avec lui-même de si frappantes analogies. « Voilà un grand cœur ou un grand fourbe, dit-il, mais après tout, si l'on conspire contre moi, pourquoi ne tiendrais-je pas dans ma main les fils de la conspiration ?» Gilbert avait fait quatre pas vers la porte, et la main posée sur la serrure, il attendait un dernier mot, qui le chassa tout à fait ou qui le rappela. « Assez sur ce sujet, mon fils, dit Rousseau. Si vous êtes amoureux au point que vous le dites, hélas, tant pis pour vous. Mais voilà qu'il se fait tard. Vous avez perdu la journée d'hier. Nous avons 30 pages de copies à faire aujourd'hui entre nous deux. Alerte, Gilbert, alerte. Gilbert saisit la main du philosophe et l'appuya contre ses lèvres. Il n'en eut certes pas tant fait de la main d'un roi. Mais avant de sortir, et tandis que Gilbert, tout ému, se tenait contre la porte, Rousseau s'approcha une dernière fois de la fenêtre et regarda les deux jeunes filles. En ce moment, André justement venait de laisser tomber son peignoir et prenait une robe des mains de Nicole. Elle vit cette tête pâle, ce corps immobile, fit un brusque mouvement en arrière et ordonna à Nicole de fermer la fenêtre. Nicole obéit. « Allons, dit Rousseau, la vieille tête lui a fait peur. Cette jeune figure ne l'effrayait pas tantôt. Oh, belle jeunesse, ajouta-t-il en soupirant. Oh, juventu primavera dell'età. Oh, primavera gioventù dell'anno. Oh, jeunesse, printemps de la vie. Oh, printemps, jeunesse de l'année. » Et rattachant au clou la robe de Thérèse, il descendit mélancoliquement l'escalier sur les pas de Gilbert, contre la jeunesse duquel il eût peut-être échangé en ce moment cette réputation qui balançait celle de Voltaire et partageait avec elle l'admiration du monde entier.